À l'imparfait, il n'y a que trois exceptions dans toute la langue espagnole. L'une d'elles, qui est très importante, c'est celle pour dire « j'allais ». Hein? On ne dit pas « ia », comme on pouvait s'y attendre, mais on dit « iba ». Donc, « iba ». Et dans le sens de « j'allais faire quelque chose », je m'apprêtais à, c'est bien sûr suivi de « a ». « Iba a ». Iba a. En espagnol, c'est comme en français. On utilise beaucoup « aller » dans le sens de « s'apprêter à ». Par exemple, « j'allais vous dire », « j'allais le faire », « j'allais l'acheter », « j'allais y aller », etc. « J'allais » est une formule très pratique parce que ça sera toujours suivi dans l'infinitif. C'est ce que j'appelle un bon porte-manteau. On y accroche les infinitifs. Et donc, on n'a pas à se soucier des terminaisons. Alors, « j'allais le faire », se dira. « Iba... Non, ce n'est pas « iba », mais « iba ». Ah oui. « Iba... » Iba, oui. Donc, « j'allais le faire », « iba... » »« Iba... hacerlo ». Encore une fois. « Iba hacerlo ».« Hacerlo ». Iba hacerlo ». J'allais vous dire que j'allais le faire. J'allais vous dire, a usted. Iba. C'est sur le i qu'il faut insister. Ah oui, oui. Iba a. C'est ça. Iba a. Vous dire, a usted. Decirle. Bien. Iba a decirle que j'allais le faire. Que. Que, oui, j'allais le faire. Iba. À hacerlo. Non, ce n'est pas iba. Pardon. Iba. Iba. Iba a. Iba a hacerlo. D'accord. Donc, iba a decirle que... Iba a decirle que iba a hacerlo. Bien. Iba a decirle que iba a hacerlo. Il allait venir. Iba a venir. Bien. Encore une fois. Iba a venir. C'est ça. Iba a venir. Et comment direz-vous? Vous ne m'avez pas dit que vous alliez arriver aujourd'hui. Je vous aurais attendu. Vous vous adressez à usted. Vous ne m'avez pas dit. No me dice. No me dice veut dire vous ne me dites pas. Et me ha dicho, c'est vous m'avez dit. D'accord. Me ha dicho. Vous m'avez dit, me ha dicho. Vous pouvez le dire comme ça alors. Vous ne m'avez pas dit. No me ha dicho. C'est ça. No me ha dicho que vous alliez arriver aujourd'hui. Que iba. Encore une fois, que vous alliez arriver. Que. Que iba. Que iba. Iba, c'est ça. Que iba arriver. Llegar. Aujourd'hui? Hoy. D'accord. Je vous aurais attendu. Je vous aurais attendu. Habría. Je vous aurais attendu. Le. Le habría esperado. D'accord. Il vous faut plonger avec haber. Donc, je vous aurais. Le habría. Je vous aurais attendu. Le habría esperado. Quand je vous ai demandé de dire « vous ne m'avez pas dit », vous avez utilisé le passé avec « haber », donc le passé avec « plongeoir », « no me ha dicho », ce qui n'est pas un problème. Seulement, maintenant, je voudrais que vous me le disiez à la forme simple du passé, donc sans plongeoir, vous savez. C'est un membre de ce fameux club, ce club qui réunit des verbes un peu particuliers. Me dice... Non, ce n'est pas ça. Dice, ça a l'air bien. Sauf que dice veut dire vous dites. Ou il ou elle dit. C'est du présent. Tout à fait. Et moi, je vous ai demandé, vous m'avez dit au passé. Au passé, sans plongeoir. Me dijo. Oui, dites-la à nouveau. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo, d'accord. Et donc, vous ne m'avez pas dit, toujours sans plongeoir. No me dijo. D'accord, no me dijo. Et si vous tutoyez votre interlocuteur, tu ne m'as pas dit, sans plongeoir. No me dijiste. Dijiste, sans S final. Mm-hmm. Au passé sans plongeoir, il n'y a pas de S final pour la forme avec tu. C'est aste pour les verbes an ar et iste pour les verbes an er et ir et les verbes particuliers qui forment un club, comme decir. Donc, encore une fois, tu ne m'as pas dit, au passé sans plongeoir. No me dijiste. No me dijiste. Et si vous parlez à ustedes, vous ne m'avez pas dit. No me dijisten. C'est pas ça. C'est... No me dijien. Bon, revenons au passé des verbes gogo. Normalement, au passé sans plongeoir, on a notre cha-cha-cha qui donne e-e-o-i-e-yo. D'accord. E-e-o-i-e-yo. E-e-o-i-e-yo. Aaron et yeron. Aste et iste. Et amos et imos. Sauf dans le cas de ce club un peu spécial. Le club des verbes gogo, qui se comporte d'une manière particulière. D'abord, parce qu'avec « je » et « il », « elle » ou « usted », on n'accentue pas leur terminaison, comme par exemple « hacer ». « J'ai fait » au passé sans plongeoir se dit « hice ». Encore une fois « hice ».« Hice ». Alors, « j'ai dit » sans plongeoir « dije ». Dire. Et je suis venu, toujours sans plongeoir. Bine. Bine. V-I-N-E. Bine. Je suis venu, je vins, c'est la même chose. Et j'ai voulu, sans plongeoir. Quise. Quise. Quise. J'ai mis, au passé sans plongeoir. Pousse. Pousse. J'ai mis, pousse. Et j'ai eu, sans plongeoir, tuve. Tuve, tuve. Mais tuve ne veut pas être tout seul. Alors, on a aussi estuve. Estuve. Estuve pour j'ai été. Estuve. Et en fait, il y en a un autre qui le rejoint ici. C'est haber, notre plongeoir. Pour j'ai eu, au passé sans plongeoir, on dit ube. Nous y viendrons bientôt. Ube. H-U-B-E. Ube. Et j'ai pu, au passé sans plongeoir, se dit pude. Pude. D'accord. Avec tous ces verbes, une fois que vous connaissez la forme avec je, là par exemple, on vient de voir pude, tout se met en place, puisque il vous suffit de suivre le même schéma pour le reste des personnes. Donc, pudiste, pudo, etc. On retrouve pude à toutes les personnes.